L'Auberge du Monde, par Hector Malot. Tome 4e, Thérèse. Chapitre 1er. Celui qui, sorti de Paris le 1er août 1870 par la barrière de Vincennes, se serait présenté à cette barrière le dimanche 28 du même mois, aurait pu croire que le cocher qui conduisait sa voiture l'avait amené dans un pays inconnu, ou bien que lui-même voyageait dans le pays des rêves. Plus de barrière, en effet, mais une porte. Plus de large avenue. Là, où quelques jours auparavant courait librement la large route de Vincennes, s'élevait une demi-lune qui barrait complètement le passage et, avec un chemin couvert, aboutissait à une place d'armes sur laquelle s'ouvraient deux ponts-levis avec tablier. Les talus en terre de cette demi-lune étaient recouverts de planches à clous et d'abatis de bois. Les hautes grilles en fer qui autrefois fermaient la barrière étaient blindés avec des plaques de tôle, et les pavillons de l'octroi avaient été chargés d'une couche de terre assez épaisse pour les mettre à l'abri de la bombe. En avant de la demi-lune, dans les contre-allées, on avait creusé des trous à loup, c'est-à-dire des excavations dont le fond était garni de pieux appointis par leur bout supérieur, de manière à déchiqueter les maladroits qui se laisseraient tomber dans ces trous. Belle invention du Moyen-Âge qui s'était perpétué par la tradition pour prendre place à côté des planches à clous qui recouvraient les talus de la demi-lune. En dehors du rempart, dans une zone assez étendue, toutes les constructions, murs de jardin, maisonnettes, hangars, avaient été jetées à bas et leurs matériaux jonchaient le sol. Les arbres de l'avenue avaient été sciés par le pied. Enfin, les fortifications commençaient à recevoir ce qu'en style militaire on appelle leur armement de sûreté. Des embrasures avaient été ouvertes et garnies de clayonnages. Quelques canons se dressaient çà et là sur leurs affûts. C'est que pendant ces 28 jours, il s'était passé des événements qui avaient bouleversé la face de la France et l'avaient atteinte jusque dans les sources mêmes de la vie. Le 4 août, le général Abel Douai avait été battu et tué à Wissembourg. Le 6, MacMahon avait été écrasé à Reichshofen. Le même jour, Frossard avait été défait à Forbach. Et alors, instantanément, sous les coups écrasants de ces échecs successifs, Paris avait perdu sa foi en notre invincible armée et en nos braves généraux d'Afrique. On avait pris soin, il est vrai, de le rassurer et d'atténuer autant que possible ces nouvelles foudroyantes. L'empereur avait envoyé une série de dépêches officielles pour dire que tout pouvait se rétablir, que la situation n'était pas compromise et qu'il allait se placer lui-même au centre de la position. Mais cette promesse, bien faite pour calmer les angoisses patriotiques de ceux qui connaissaient le génie militaire de Napoléon III, n'avait point suffi pour relever la confiance. C'était l'invasion et, à un moment donné, le siège de Paris. Voilà ce qu'on avait compris. La patrie était en danger. Une immense clameur s'était élevée et l'on avait annoncé que l'on allait mettre les fortifications en état de soutenir un siège en règle. Mais après le premier mouvement d'épouvante passé, beaucoup avaient cru que ce siège n'était pas possible. Investir Paris, mais pour cela il faudrait des millions d'hommes. Cependant, les mauvaises nouvelles, en se succédant, avaient fini par persuader les plus incrédules de l'imminence du siège. L'armée du prince royal de Prusse n'était plus qu'à 10 journées de marche de Paris. Elle n'était plus qu'à 8 journées. On avait vu des uhlans dans l'abri. Encore quelques jours, et ces fameux uhlans, au nombre de 4, pas un de plus, pas un de moins, s'arrêteraient à portée de canon de nos forts. Ce qu'il y avait de certain, c'était que les populations de l'Est, fuyant devant l'invasion ou devant la peur de l'invasion, se mettaient en route pour venir demander un asile à Paris et se mettre à l'abri derrière ses murailles. Après avoir voulu cacher ou atténuer la vérité, on avait été pris par la panique. Les Prussiens arrivaient. Il n'y avait qu'à coller son oreille sur la terre. On entendait le roulement de leurs canons sur toutes les routes de l'Est. On minait les ponts sur la Marne et sur la Seine pour les faire sauter d'un jour à l'autre. Toutes les moissons, tous les fourrages, toutes les récoltes des fermes de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et des environs de Paris, blé, avoine, foin, qui n'auraient pas été rentrés dans la capitale, seraient brûlés, afin de ne pas servir à l'alimentation des armées ennemies. Ces avertissements plus ou moins officiels avaient été le coup de grâce et toutes les routes qui aboutissaient à Paris s'étaient couvertes de voitures qui se suivaient à la file pour entrer dans Paris ces fourrages qu'on menaçait de brûler et le mobilier des habitants de la banlieue. Le gouvernement avait parlé par la voix de ses ministres. L'armée du prince royal de Prusse, qui avait paru s'arrêter, avait repris sa marche. Le devoir du gouvernement était d'en prévenir le pays et la population de Paris. Par l'intermédiaire des préfets et des maires, on avait fait prévenir les populations des départements voisins de Paris que le gouvernement achèterait les grains et le bétail qu'on lui amènerait. Le dimanche 28 août, ces nouvelles et ces avertissements avaient produit leur effet, et aussi la large route de Vincennes à Paris était-elle encombrée de voitures de toutes sortes. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on n'apercevait que des voitures et des chevaux. Tapissières, voitures à bras, carrioles, charrettes de ferme, calèches, cabriolets, omnibus, tombereaux, tout ce qui a un nom dans la carrosserie ou le charronnage se trouvait réuni là et enchevêtré. On sait que cette route est formée par la réunion de plusieurs autres routes qui, à Nogent, Joinville et Vincennes, viennent aboutir à une unique avenue, entrant dans Paris par ce qu'on appelle le cours de Vincennes. En temps ordinaire, il se produit très fréquemment des encombrements de voitures sur cette avenue. Mais ce jour-là, hélas, on n'était pas en temps ordinaire, et un entassement résultant de la réunion dans un même confluent de tous les courants qui arrivaient de divers côtés, se joignait la confusion résultant des travaux de fortification qui fermaient l'avenue. Après avoir cheminé sur plusieurs files, les voitures se trouvaient arrêtées par la demi-lune, et là il fallait qu'elles prissent la queue les unes derrière les autres pour suivre le chemin couvert. Comme si ce n'était pas assez de se défiler pour produire une inextricable confusion, les employés de l'octroi venaient ajouter leurs exigences aux difficultés de la situation matérielle. Pas une voiture n'entrait dans Paris sans qu'on en eût visité le contenu. Et quel contenu! Tout ce qu'on pouvait emporter dans un rapide déménagement, qu'on faisait en tournant à chaque instant la tête pour voir si les ulans ne vous arrivaient pas sur le dos, était entassé dans les voitures. Meubles, provisions, fourrages, bestiaux, poules, lapins. Tout cela rangé tant bien que mal, avec des matelas et des bottes de paille sur lesquelles les femmes et les enfants se tenaient juchés. Que de matelas! Au loin, se détachant sur le fond jaune de la paille, on ne voyait que les carreaux rouges et bleus des toiles à matelas. Dans leur impossibilité à trouver des voitures pour apporter leur mobilier à Paris, il y avait des gens qui avaient loué des corbillards. Ce jour-là, les morts devaient attendre et ne venir qu'après les déménagements. Vers 3 heures de l'après-midi, les ouvriers qui travaillaient au terrassement de la demi-lune remarquèrent un curieux qui, depuis assez longtemps déjà, regardait ce triste défilé, se promenant en long et en large sur les contre-allées et examinant attentivement les travaux de fortification qu'on exécutait là. Un ouvrier avait vu qu'en passant à côté d'un trou à loup, il avait fait un mouvement d'épaule, comme s'il haussait les épaules par un geste de mépris et de dédain. Allant un peu plus loin, ce curieux avait adressé la parole à un ouvrier qui était en train de placer des pieux effilés au fond d'un de ces trous. « Est-ce que vous croyez qu'on se laissera tomber là-dedans ? » avait-il demandé. Pardi, bien sûr, puisque c'est fait pour ça. Il n'avait pas paru convaincu par ce raisonnement, et il avait continué sa promenade et son examen. C'était un homme d'une 30aine d'années, de haute taille, aux épaules larges, souples et dégagées dans sa démarche. Il portait toute sa barbe et des cheveux longs qui s'enroulaient en boucles fauves sur le collet de son vêtement. Ce vêtement était élégant, mais sans rien de prétentieux ou de recherché. On ne parlait en ce moment dans les journaux que d'espions prussiens qui se glissaient partout, même dans nos forts, et tous les journaux de ce même jour, 28 août, racontaient l'exécution d'un lieutenant de l'armée prussienne nommé Hart, qui la veille, à 6 heures du matin, avait été passé par les armes dans la cour des grenadiers à l'école militaire. L'ouvrier, qui avait vu ce curieux hausser les épaules en passant près d'un trou à loup, alla trouver celui auquel il avait adressé la parole. « Qu'est-ce qu'il t'a demandé, ce particulier qui t'a parlé tout à l'heure ?»« Si je croyais qu'on pouvait se laisser tomber là-dedans. Je gage que c'est un Prussien. Faut voir ça, alors. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a eu l'air de blaguer les travaux de la défense, et ça n'est pas d'un Français. » Le second ouvrier, sortant de son trou, se joignit au premier et tous deux s'enfoncèrent dans le chemin couvert. Au bout de 10 minutes, ils revinrent, suivis d'un groupe d'ouvriers en tête duquel marchait un brigadier de l'octroi. Le curieux n'avait point quitté la contre-allée. Il regardait l'entassement des voitures et à la vue des enfants qui dormaient ou qui pleuraient sur leurs matelas, des femmes couvertes de poussière, des pauvres chevaux morts de fatigue, en un mot au spectacle de cette misère, son visage avait pris une expression de douleur attendrie. Les ouvriers, précédés de leur brigadier, s'approchèrent de lui sans qu'il les remarquât. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à quelques pas, le brigadier se retourna et fit un signe à sa troupe qui aussitôt se divisa, tandis que 3 ou 4 hommes restés avec lui, 2 passèrent derrière le curieux. Alors le brigadier s'avança franchement. « Pardon, monsieur, peut-on vous demander ce que vous faites ici ?»« Parfaitement, vous le voyez d'ailleurs, je regarde. »« Justement, et c'est là ce qui paraît louche. Il y a autre chose à faire en ce moment qu'à regarder ceux qui travaillent. » »« Et à blaguer la défense, » dit l'ouvrier du trou à loup. « Vous avez des papiers ?» demanda le brigadier. « Non. Et vous vous appelez le colonel Chamberlain. »« Un colonel. Ah, malheur, encore un feignant. » Pourquoi qu'il n'est pas avec son régiment, ce colonel ? Parce que mon régiment est en Amérique, dit le colonel sans se fâcher. Vous voyez bien que c'est un Prussien, dit un ouvrier. Oui, oui, abat le Prussien, c'est un espion. Et une 12aine de poings crispés entourèrent la tête du colonel, mais celui-ci ne se troubla point. C'est vous qui êtes chargé de m'arrêter ? Dit-il au brigadier. Oui. Eh bien, arrêtez-moi. Je n'ai pas envie de me sauver. J'avoue même que je n'ai que ce que je mérite. Un rassemblement s'était formé en quelques secondes autour du colonel et de ceux qui l'arrêtaient. On criait « À l'espion ! Mort aux Prussiens !» Le brigadier prit le colonel par un bras, un ouvrier le prit par l'autre, et au milieu de la foule, après avoir reçu quelques bousculades, on fit entrer dans un pavillon de l'octroi l'espion prussien et on l'interrogea. Pas de papier, américain. Il avait longuement examiné les travaux de défense. Son affaire était mauvaise. On décida de le garder et de le mettre aux mains de qui de droit. On l'enferma dans une sorte de réduit obscur où l'on voulut bien lui donner une chaise pour s'asseoir en attendant. Il attendit 3 heures. Au bout de ce temps, la porte s'ouvrit et il parut devant une autorité compétente. Heureusement, cette autorité, représentée par le secrétaire du commissaire de police, connaissait de vue M. le colonel Chamberlain et se tourna avec sévérité vers le brigadier. Elle lui adressa quelques paroles bien senties sur les dangers de la précipitation. Sans doute, il fallait faire bonne garde. Mais encore, il ne fallait pas arrêter tout le monde, et moins que personne un homme tel que le colonel Chamberlain. « Tous les torts sont de mon côté, » dit le colonel. « J'étais venu visiter les travaux de défense, et mes allures ont pu très justement paraître suspectes. » Au lieu de retourner à la demi-lune en sortant du pavillon de l'octroi, il se mit en route pour rentrer à Paris par la barrière du trône. Sur la chaussée, les voitures se suivaient en une longue file, et sur les trottoirs marchaient des gens courbés sous le poids des paquets qu'ils portaient. Des femmes traînaient des enfants par la main, d'autres s'avançaient lentement, le bras passé dans des draps ou dans des châles liés aux 4 bouts, et formant ainsi d'énormes paquets dans lesquels on avait entassé tout ce qu'on avait de précieux. Le colonel Chamberlain, qui n'avait rien à porter, dépassait ces pauvres gens. Il dépassait même la plupart des voitures, car les chevaux épuisés de fatigue n'allaient guère vite. Il remarqua entre toutes l'une de ces voitures. C'était évidemment un petit chariot lorrain ou alsacien, ce qu'on appelle un char à échelle, monté sur 4 roues légères et recouvert d'une toile grise posée sur des cercles. Les roues gardaient encore autour de leur moyeu des plaques de boue rouge, le cheval paraissait ne plus pouvoir se traîner, et son conducteur avait si bien conscience de la lenteur avec laquelle il marchait qu'au lieu de suivre la file, il avait pris un bas-côté où il pouvait cheminer à son pas. En regardant de dos ce conducteur qui marchait à pied, tirant et soutenant son cheval par la bride, le colonel eut un mouvement de surprise. Était-ce possible ? Si cet homme n'avait pas été vêtu d'une blouse bleue et coiffé d'un vieux feutre gris, il aurait juré qu'à l'allure et la carrure il ne se trompait pas. Vivement, il fit quelques pas en avant de manière à dépasser la voiture et à voir le visage de son conducteur. Alors un cri lui échappa. « Mon oncle !» Le conducteur se retourna vivement. « Édouard ?» Et en même temps, une voix sortit de dessous la toile de la voiture. « Oh, mon cousin !»